On se dit souvent que les experts en gestion privée, c'est pour les autres. Parce que financer les études de ses enfants à l'étranger, avoir une entreprise, acheter sa résidence secondaire ou optimiser sa fiscalité, c'est aussi réservé aux autres, bien entendu. Mais si jamais vous découvrez que les situations des autres, eh bien, ce sont aussi les vôtres, alors vous avez sans doute besoin d'un expert en gestion privée. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Alors que les relations entre la France et le Maroc ont connu quelques tensions ces derniers temps, Franck Ferrand revient aujourd'hui sur la figure tutélaire de l'amitié franco-marocaine, le maréchal Lyauté. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. J'ai demandé à un connaisseur du Maroc, auteur d'une récente biographie d'Hubert Lyauté, de nous rejoindre pour évoquer cette étonnante figure sur laquelle on a dit tout et son contraire. Maréchal de France, ministre, académicien, le personnage officiel peine en vérité à dissimuler les subtilités de la personne officieuse. Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez comme chaque jour à la question d'un auditeur. Aujourd'hui, c'est Mathieu qui, via la page Facebook de l'émission, vous demande l'origine des dragées que l'on offre aux invités des baptêmes et des mariages. Écoutez, je vais essayer de répondre à Mathieu. Pour le moment, je vous propose de faire mieux connaissance avec ce grand monsieur, le maréchal Lyauté. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Certains personnages historiques ont su mieux que d'autres soigner l'image qu'ils devaient laisser à la postérité, une image qui, au premier coup d'œil, permet de les reconnaître entre mille. Le maréchal Lyauté, à l'évidence, est de cela. Son imposante moustache qui, sur la fin, est devenue très blanche, aussi blanche que les cheveux dressés en brosse, son regard bleu, direct et pénétrant, son allure svelte, en dépit de l'âge, sa voix sourde accordée aux gestes impérieux, affiche un homme rassé, élégant, vif à tout point de vue, sur lequel n'aurait de prise ni les années, ni la fatigue. Ce qui m'a donné l'idée et l'envie de vous parler de Lyauté, c'est notre récente incursion dans l'exposition coloniale de 1931. Vous rappelez, l'autre jour, il a été le responsable de cette exposition. Et j'avais été frappé en préparant l'émission par le charisme extraordinaire qui m'a semblé, sur de nombreux clichés de l'inauguration notamment, distinguer Lyauté de tous les autres. Alors, qui était ce maréchal de France dont ses contemporains à mi-voix affirmaient qu'il était homosexuel et qu'il s'était converti à l'islam? Guillaume Jobin le présente ainsi, je cite: monarchiste, catholique, aristocrate, baignant dans l'idée de la grandeur de la France, grand soldat, de droite, colonialiste, académicien, tous les clichés sont présents pour former une belle histoire cohérente avec la trajectoire ascendante de maréchal de France. À défaut de représenter toute la richesse de la réalité, eh bien justement, c'est cette réalité-là qui m'intéresse aujourd'hui. Louis-Hubert Gonzalve Lyauté était né lorrain au tout début du Second Empire. Il est né à Nancy en 1854. Il mourra 80 ans plus tard, en 1934 donc, à Thorey, en Meurthe-et-Moselle. Ce qui fait, au passage, signalons-le, qu'on va célébrer cette année le 80e anniversaire de sa mort en juillet et le 160e anniversaire de sa naissance le 17 novembre. Ses origines, disons-le, n'ont rien d'extraordinaire. Il est issu d'une famille typique de la classe moyenne supérieure provinciale, cette espèce de bourgeoisie qui faisait la force de son temps, de ce Second Empire et surtout du régime suivant, la Troisième République. Son père, Juste, est ingénieur diplômé de Polytechnique et des Ponts et Chaussées. On appelait ça un X-Pont à l'époque. Sa mère, Laurence de Grimoud-Valmotte, est de petite noblesse d'origine normande. Il a une sœur et un frère, Hubert est l'aîné. Alors, ce qu'il faut peut-être commencer par dire, parce que ça fait partie de ces événements qui ont une importance essentielle, à 18 mois, on est en mai 1856, hein, vraiment... Il est tout petit, c'est un bébé, 1 an et demi. Alors que toute la famille est en train d'assister aux célébrations du baptême du prince impérial, qui est tout à fait du même âge que Lyautey, d'ailleurs, le fils de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Donc la famille est sur le balcon chez la grand-mère place Stanislas à Nancy. Hubert va faire une chute impressionnante. Il tombe du premier étage. Il amortit sa dégringolade sur le store d'un magasin qui est là, juste au rez-de-chaussée, avant de rouler, de tomber sur un homme et de finir lui-même par terre. Dans l'immédiat, il n'y aura pas de conséquences graves, mais il va quand même, vous imaginez que d'un seul coup, l'enfant paraît être un véritable miraculé et il va être contraint d'abord de il va rester alité pendant 2 ans et ça va donner une enfance très compliquée parce que l'enfant aura assez tôt des douleurs vertébrales avec un handicap fonctionnel. Hubert est contraint de porter un corset à l'âge de 12 ans, il va subir plusieurs interventions chirurgicales. Donc voyez, un enfant, si j'ose dire et sans trop vouloir faire de psychologie facile, mais un enfant a problème tout de même, bien entendu, et qui va devoir surmonter ce handicap. Il aura tendance à se renfermer sur lui-même, cet enfant, à lire énormément, et à lire d'abord des livres d'aventure, bien sûr, c'est de son âge, mais aussi et surtout des livres d'histoire. Il sera un historien, en fait, ce maréchal Lyautey. C'est peut-être ce qui nous le rend proche dans cette émission. Il sera bon élève, il va suivre une éducation tout à fait classique. Il est lycéen à Dijon, il intégrera ensuite les jésuites à l'école Sainte-Geneviève de Versailles, une célèbre école, la Ginette, comme on dit. Il est fasciné, je vous dis qu'il aime l'histoire, il est fasciné par l'histoire royale et impériale, notamment à 12 ans. Il rédige avec Antonin de Margerie un court pamphlet. Pourquoi sommes-nous royalistes? Demande-t-il. Il a 12 ans, quand même. Plutôt qu'une profession de foi royaliste, il faut peut-être y voir un semblant de contestation contre le Second Empire ou une manifestation de conservatisme social chez de jeunes romantiques. Bien plus tard, il se rendra à Rome après une étape en Autriche à Göritz. Göritz, c'était le lieu d'exil de Charles X, puis du comte de Chambord. C'est là, d'ailleurs, que se trouvent les sépultures des derniers exilés de la maison royale, de la branche aînée des Bourbons. Le prétendant au trône de France va charger Lyautey, le comte de Chambord, d'un message hostile à la République pour le pape Léon XIII, qui le reçoit donc en 1883. En final, il sera déçu, on va dire, par les deux, par le pape, mais ça on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, et aussi bien sûr par le comte de Chambord. Voici ce que nous dit Guillaume Jobin dans son ouvrage donc Lyautey le résident. Élevé dans un milieu féminin, avec un père absent, il est attaché à sa mère et à l'image de la famille de celle-ci. Il restera toute sa vie maniaque de ses origines et de sa généalogie. Lyautey n'est qu'un patronyme populaire d'origine allemande dont il aime à dire, à tort, qu'il signifie loyauté. Lyautey, loyauté. De plus, la noblesse n'étant pas transmise par la mère dans la coutume française, il n'est pas aristocrate et il souffre de ce complexe. Son comportement ultérieur en témoigne. Alors il va faire une carrière militaire qui n'est donc pas, vous l'avez bien compris, directement dictée par son ascendance. Sa famille comptait un certain nombre de militaires, et il y en avait, notamment son grand-père, Hubert, le général. Mais ça n'était pas une famille spécifiquement militaire. Lui-même est bachelier en 1872. Il veut au départ intégrer l'école polytechnique, comme son père. Et finalement, ce sera Saint-Cyr. Par hasard du calendrier des concours ou par sécurité, nous dit Guillaume Jobin. Dans une lettre à l'historien Daniel Alévy, lettre datée du 26 janvier 1929, Lyautey, devenu âgé, expliquera qu'il n'était pas vraiment désireux de se tourner vers une carrière militaire. Je le cite « J'étais enragé de politique, ne comptant nullement à cette époque rester dans l'armée, où je ne suis en effet resté que par une suite de circonstances paradoxales, après avoir failli 20 fois la quitter. » J'étais ardemment légitimiste. Le portrait du comte de Chambord, signé de lui, ne quittait pas ma table. Il est toujours sur mon bureau. Je vivais dans l'atmosphère surchauffée de Versailles et de l'Assemblée nationale. Et oui, il faut se remettre dans le contexte. Mes parents avaient table ouverte. J'y trouvais souvent à la maison des députés. Et on ne m'y parlait guère que de politique. Alors, en 1873, il est âgé de 18 ans quand il entre à l'école militaire supérieure de Saint-Cyr. C'est la plus prestigieuse école militaire de ce temps-là. Faut imaginer la rigueur, la discipline qui règne là-dedans et dont il va souffrir d'ailleurs. Benoît Méchain nous dit « L'armée le sauve de la dispersion et de l'anarchie où risque de l'entraîner l'excessive richesse de son tempérament. » Où il y a quelque chose de bouillonnant dans Lyautey. Il est un des meilleurs élèves quand même de sa promotion. Il sort 29e sur 1281 et à la sortie de l'école, on est en 1875, il est affecté chez lui, si l'on peut dire, en Lorraine, à Pont-à-Mousson, au 26e bataillon de chasseurs à pied. Michel Renard s'interroge dès lors, pourquoi, demande-t-il, s'est-il distingué jusqu'à devenir cette figure épique de la France impériale ? En vérité, c'est au Maroc qu'il donnera la pleine mesure de son talent. Youssef Haït Akdim écrit « Il a en fait été complètement absorbé dans l'imaginaire marocain, même parmi les nationalistes, certainement à cause de son discours sur le Maroc allant dans le sens souhaité par les Marocains, un vieux pays avec une histoire singulière, des élites intellectuelles, économiques et politiques. Mais il y a encore un bout de chemin à faire avant d'arriver au Maroc. » Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie du maréchal Lyautey. Alors, je ne vais pas vous retracer l'ensemble des états de service de Lyautey, bien entendu. Sachez seulement qu'en 1880, alors qu'il est au 2e régiment de Hussards, son régiment part pour l'Algérie. Or, cette Algérie, il la connaît déjà, parce que 2 ans et demi plus tôt, il s'y est rendu avec son ami Prosper Keller pendant les 2 mois de sa permission. Et il a été fasciné par ce pays. Il voit la misère du peuple colonisé, nous dit Guillaume Jobin, qu'il associe dans sa charité naturelle aux hommes de troupes français presque aussi maltraités. Il est muté à Orléansville, à Alger, enfin dans le sud algérien, à Taniyat El Had, et il se passionne pour cette civilisation qui, pour lui, va être une véritable révélation, cette civilisation arabo-musulmane. Il est séduit par la population, par les habitations, le soleil. C'est toujours le soleil et ces pays de lumière qui m'attirent comme un aimant, dira-t-il. Il apprend la langue, on le voit s'habiller comme les habitants. Vous voyez le petit clin d'œil tout à l'heure à Laurence d'Arabie, évidemment. Il se familiarise avec les questions coloniales, l'administration, la politique française en Algérie. Et dans ses lettres à son père, il promet aux indigènes l'extermination et la servitude au lieu de leur offrir la participation à notre prospérité, dit-il à propos de cette situation, de ce système. Cette expérience algérienne va donc être déterminante pour sa carrière. Alors, après quelques mois en Algérie, il revient en France. Là encore, je vous passe ses différentes affectations. Il estime qu'un officier, et je cite Lyautey, est un merveilleux agent d'action sociale. Il va exposer ses théories dans un article intitulé « Du rôle social de l'officier dans le service militaire universel ». Ça paraît dans la Revue des Deux Mondes en 1891. Évidemment, ça n'est pas du goût de tout le monde, ce genre de prise de position un peu bravache. Il est convoqué au ministère. Pendant qu'il est à Paris, parce qu'il va être en poste à Paris aussi, il a quand même une vie très mondaine, il faut le dire. Il fréquente les salons, il voit les grands écrivains de l'époque, etc. Et en 1894, il est commandant, il a donc 40 ans, puisque 1894, il est né en 54. Il est nommé en Indochine. C'est lui qui avait demandé à être muté pour fuir justement cette monotonie assez délétère de la vie mondaine et parisienne, mais aussi pour fuir, il faut le dire, une demande en mariage un peu pressante de la fille de Madame Bénière qu'il a rencontrée dans le salon de sa mère. Elle répond au prénom de Louise. Il lui écrit « Je ferais un mauvais mari, je vous aurais préparé d'amers regrets et de cruelles déceptions ». Il devient chef d'état-major de Gallieni, qui est, on peut le dire, qui est le grand personnage de sa carrière, évidemment. Alors, je vous passe là encore toute l'évolution d'une carrière sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure, avec une dimension politique, bien entendu, avec toutes sortes d'allées et de retours, d'une certaine manière. Ce qui passionne Lyautey, c'est cet empire colonial, en vérité. Et on va le retrouver à Madagascar. Ensuite, il retrouve Gallieni en 1897. Il a été nommé gouverneur général de Madagascar. Qui, à l'époque, on est en 97. Madagascar n'est pas encore pacifié, pour employer un terme poli. Il est chargé de réorganiser l'île d'une certaine manière. Il va tenter de ne pas utiliser la force, mais faire savoir que cette force est là, présente, bien entendu. Il y a quand même de nombreux combats avec les indigènes. On aura l'occasion d'y revenir aussi tout à l'heure. En 1900, Lyautey est nommé colonel. Il va rentrer en France. À ce moment-là, il reprend ses activités parisiennes, si l'on peut dire. Et parmi les personnages importants qu'il rencontre à ce moment-là, il y a Charles Jonnard, qui est gouverneur de l'Algérie. C'est une rencontre importante parce que Charles Jonnard va l'appeler dans le sud oranais, à Ain Sefra. Il le nomme commandant de la subdivision en 1903. Et rapidement, Lyautey se montre tellement entreprenant, tellement efficace dans cette nouvelle fonction, qu'il monte en grade. Il va devenir général de brigade En 1906, il est nommé à la tête de la division d'Oran. Il va pacifier tout ce territoire d'Aïn Sefra jusqu'à Boudenib. En 1907, il est carrément général de division avant de devenir haut-commissaire du gouvernement pour la zone marocaine occupée autour d'Oujda. Il réaménage cette zone frontalière, on va dire algéro-marocaine. C'est son premier poste d'autorité mixte, c'est-à-dire à la fois militaire et civil, et on est là dans l'empire chérifien déjà, on est là aux portes, on est aux marches du Maroc. Il se désole de notre Lyautey qu'un corps d'armée français entreprenne la conquête du plateau atlantique. Il ronge son frein. On est en présence d'un personnage qui est constamment plein d'idées, plein d'initiatives et qui doit faire avec la vie administrative. En 1910, il se retrouve à la tête du 10e corps d'armée à Rennes. Ça va durer 2 ans et c'est en 1912 que Lyautey est nommé, on a envie de dire enfin, tout ça pour ça, résident général au Maroc. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie du maréchal Lyautey. Alors, le maréchal Lyautey en 1912 est résident général au Maroc. Il devient, nous dit Guillaume Jobin, le troisième personnage de la France coloniale après les gouverneurs généraux d'Algérie et du Sénégal. Et selon la formule de Tessier, qui est un biographe de Lyautey auparavant, il était aux confins du Maroc et de la politique, mais ce succès lui ouvre les portes de l'élite républicaine. C'est vrai qu'on le voit maintenant parler, sinon d'égal à égal, mais en tout cas de plein pied avec un certain nombre de hauts responsables de la République, notamment le président Poincaré, qui lui dit « Réussissez au Maroc et nous vous donnerons une très grande ambassade, Saint-Pétersbourg par exemple. » Il est chargé de remettre de l'ordre dans ce pays et d'assurer la bonne tenue du protectorat français. Tout est dans ce terme de protectorat. La situation au Maroc est très complexe à cette époque. Vous savez qu'on joue, les Français s'appuient sur le sultan. Il y a de très gros désordres qui sont liés aux tribus marocaines, le pays n'est pas vraiment pacifié, et cette question du Maroc, qui d'ailleurs chagrine beaucoup le Kaiser allemand, cette question du Maroc est au cœur de la diplomatie de ce début de XXe siècle. Donc le rôle de Lyautey est fondamental, et Lyautey pense, il est convaincu, qu'il va pouvoir pacifier, si vous voulez, tour à tour les territoires des différentes tribus. Si les Européens exercent trop de pression sur le sultan, les tribus se soulèveront dans son intérêt. C'est en tout cas ce qui c'est le fond de la pensée de Lyautey, qui va essayer de progressivement prendre le contrôle du Maroc. Alors on va y revenir tout à l'heure. Ce sur quoi j'aimerais m'attarder maintenant, c'est sur la personnalité de Lyautey, sur son quotidien au Maroc. On connaît ce quotidien notamment grâce à un bel article de Vladimir d'Ormesson qu'il a très bien connu et fréquenté au Maroc et qui nous dit que Lyautey, je le cite, travaillait toute la matinée avec ses collaborateurs immédiats. Les chefs de service venaient au rapport, il donnait ses ordres, l'après-midi il recevait, il fonçait ici et là, presque toujours à l'improviste, surprendre tel chantier, tel bureau, telle administration en plein travail. Nous nous déplacions fréquemment, écrit Vladimir d'Ormesson. Lyautey ne restait presque jamais 15 jours de suite dans la même résidence, et c'est vrai que des résidences, il en a partout, hein. À Rabat, à Casablanca, à Fès, à Marrakech. Il va être l'homme essentiel du Maroc, et nous allons voir dans un instant à quel point, aujourd'hui encore, son image, son souvenir sont restés extrêmement présents chez les Marocains. Il va jouer un rôle absolument essentiel. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, vous savez que le maréchal Lyautey va devenir ministre de la guerre en 1916. On lui offre ce ministère dans le gouvernement d'Aristide Briand, un poste qu'il va donc occuper pas très longtemps, de décembre 1916 à mars 1917. Il démissionnera sur un coup de colère, si je puis dire, après un violent accrochage à la Chambre des députés. Et la vérité, c'est que son Maroc lui manque. Il va y retourner d'ailleurs. Il y restera jusqu'en octobre 1925. Alors à ce moment-là, il est déjà maréchal de France. Il a été fait maréchal en 1921. Et même si les moyens au Maroc sont réduits par rapport à ce qu'ils ont pu être, évidemment, on verra Lyautey continuer à maintenir à bout de bras, d'une certaine manière, cette présence française. Il démissionnera et rentrera définitivement en France en 1925. On verra dans quelles conditions. Au fond, dira Lyautey à propos du Maroc, si j'ai réussi au Maroc dans la tâche que le gouvernement de la République m'avait confiée là-bas, c'est pour les raisons mêmes qui me rendaient inutilisable en France. J'ai réussi au Maroc parce que je suis monarchiste et que je m'y suis trouvé en pays monarchique. Il y avait le sultan, dont je n'ai jamais cessé de respecter et de soutenir l'autorité. J'étais religieux et le Maroc est un pays religieux. Je crois qu'il n'y a pas de vie nationale possible et prospère et naturelle qui ne fasse sa place aux sentiments religieux, aux disciplines religieuses. Je crois à la bienfaisance, à la nécessité d'une vie sociale hiérarchisée. Je suis pour l'aristocratie, pour le gouvernement des meilleurs. J'ai vu qu'il y avait des écoles où allaient les enfants de telle classe, d'autres écoles où allaient des enfants d'autres milieux et qui ne se mélangeaient pas. J'ai respecté tout cela, à la fois parce que cette soumission aux faits fortifiait ma propre politique et parce que mes propres convictions m'en montraient la légitimité et la noblesse. Mais tout cela m'eût été impossible en France. Finalement, on peut dire qu'au Maroc, le maréchal Lyautey avait trouvé une véritable terre d'élection. Alors, bonjour Guillaume Jobin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons revenir avec vous sur tous les points que j'ai laissés en suspens. Enfin, le plus possible, parce qu'évidemment, j'ai laissé sur le bord du chemin un certain nombre de questions pendant ce récit. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi du maréchal Lyautey avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Guillaume Jobin, président de l'École supérieure de journalisme de Paris, auteur de Lyautey le résident, aux éditions Casa Express et Magellan et compagnie. Alors Guillaume Jobin, ce qui me frappe pour commencer cette émission, enfin cette conversation avec vous, c'est l'incroyable popularité, si je puis dire, du maréchal Lyautey auprès de nos auditeurs. On a reçu toutes sortes de messages, les gens ont chacun une petite anecdote à raconter. Ça va de Didine qui nous dit qu'il est casablancais, qu'il a fait ses études secondaires au lycée Lyautey de Casablanca sans jamais s'être intéressé à savoir qui était cet homme, et puis que c'est plus tard, devenu adulte, qu'il s'est penché sur le personnage, qu'il l'a littéralement fasciné. Un de nos auditeurs sur Facebook nous dit que dans les années 80, à Cabourg, vivait un très vieux monsieur de plus de 100 ans, monsieur Pérignon. Il avait très bien connu le maréchal Lyautey pour avoir été son chauffeur pendant des années et se souvenait de 1000 détails personnels, sa conversation était passionnante, etc. Chacun voit Lyautey par un angle ou à travers le prisme d'un témoin. À travers quel prisme l'avez-vous découvert en ce qui vous concerne? À travers aucun prisme au départ. Parce que pour moi, Lyautey, c'était un nom de boulevard derrière une gare dans les villes de province. Alors, comme j'étais amené à créer l'école de journalisme, la filiale au Maroc, je me suis intéressé à la question en me disant qu'est-ce qui fait que Lyautey est aussi connu au Maroc et qu'il est pratiquement à l'égal des sultans et des rois, comme dans la perception en tout cas populaire marocaine. Donc j'ai creusé la question sans a priori, et puis de fil en aiguille, je me suis aperçu que Lyautey était un provocateur et un personnage très moderne, qui ne dépareillerait pas aujourd'hui dans la société actuelle, plutôt que dans la société compassée de la fin du 19e. Oui, en fait, les carcans de la société de la Belle Époque étaient un peu étriqué pour sa personnalité. Ça, on va y venir d'ailleurs tout à l'heure. On va essayer de cerner le personnage d'un peu plus près. Avant cela, il faut peut-être commencer par dresser le bilan de son action au Maroc, justement. Qu'est-ce qu'il y a fait qui justifie cette popularité encore aujourd'hui, y compris auprès des Marocains eux-mêmes, hein. C'est assez étonnant. En gros, il a fait tout ce qui marche bien et qui est moderne, oui. Et il est aussi responsable de tout ce qui marche pas et qui est moderne. Aussi, oui. Donc, c'est-à-dire essentiellement la paix et puis les voies de communication, donc les villes, donc l'économie, les chemins de fer, les routes, chemins de fer, ponts, etc. Tout ça, mais surtout les villes, puisque oui, Casablanca et si vous voulez la conurbation Casablanca-Rabat est passée de quelques dizaines de milliers d'habitants à aujourd'hui 6, 8, 10, enfin on ne sait pas trop. Et puis à contrario, ce qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, par négligence ou autre chose, c'est de négliger totalement l'éducation des Marocains. Ce que d'ailleurs, c'est les successeurs. En fait, il laisse entendre, il dit dans la dernière citation que j'ai faite, qui d'ailleurs ne manque pas d'une certaine mauvaise foi sur le positionnement de Lyautey, on peut comprendre pourquoi il ne s'est pas soucié d'éducation. Il dit qu'il fallait respecter la société traditionnelle et ne précisément pas trop éduquer les gens des classes inférieures, dit-il. Oui, mais ça, c'est une justification a posteriori une fois qu'il était en France et il avait une façon de parler qui coupait court à toute discussion. Donc en disant ça, il le disait, c'est quelqu'un qui parlait extrêmement bien, ça a évité qu'on lui reproche d'avoir manqué de donner de l'éducation aux Marocains. Alors, qu'est-ce qui fait la différence de Lyautey par rapport à toutes sortes d'autres grands fonctionnaires, militaires ou civils, d'ailleurs d'autres grands colonisateurs? Dans un texte de Vladimir d'Ormesson que je n'ai pas lu tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de tout vous dire bien sûr, d'Ormesson nous dit que ce qui était très frappant, c'est que Lyautey ne supportait pas qu'un Français considéra un des indigènes, un des autochtones, comme quelqu'un d'inférieur. Il y avait un très grand respect déjà de cette population. Il était profondément humain. Sur tous les aspects, y compris sur l'aspect colonial, c'est-à-dire que lui ne faisait aucune différence entre un Français et un Marocain, ou entre un Français et un Algérien, ou un Indochinois ou un Malgache avant. Et ça, c'est assez rare pour l'époque, puisque la société de française coloniale est profondément xénophobe et on peut dire raciste dans un sens. Oui, donc ça tranchait beaucoup, évidemment. C'est extraordinaire, de mon point de vue. Il est nommé en 1912, c'est très important, puisque la mise au pas, si je puis dire, le protectorat, l'extension du protectorat, pour employer un terme neutre, français sur le Maroc, commence quelques années avant, hein, 1907-1908, et ça va durer jusqu'au milieu des années 30, en fait. C'est le dernier grand pays colonisé par la France. Alors, c'est pas tout à fait une colonie, c'est justement un protectorat. Il faut peut-être... Alors, sur le plan juridique, c'est un protectorat comme en Tunisie, c'est-à-dire qu'on maintient, sur le papier, on maintient les structures de fonctionnement, donc le sultan, les ministères, etc., avec des Français comme conseillers. Mais ça, c'est sur le papier. Dans la réalité, les Français dirigent tout, pensent tout, et le sultan n'a qu'à contresigner les décrets écrits, faits et pensés par Lyautey. Et le sultan sert quand même aux Français, tout se fait par l'intermédiaire du sultan quand même, il faut le souligner, ça c'est très important. Si vous me permettez un mauvais jeu de mots pour mes amis marocains, c'est que les Français ont conquis le Maroc avec le dirham et l'islam. Donc le dirham, c'est la monnaie marocaine. Ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient acheter et ils ont corrompu dans le bon sens du terme, c'est-à-dire séduit toutes les instances, y compris jusqu'à un niveau très populaire, de représentatifs de l'islam au Maroc. Ce qui leur a permis en fait d'arriver et de n'avoir à combattre que très rarement, ou pas plus que les sultans ne l'auraient fait eux-mêmes. Alors on est dans une période de très grands troubles politiques. Évidemment, les Allemands aimeraient bien nous tailler des croupières au Maroc. Il y a l'Espagne toute proche aussi. Comment est-ce que Lyautey gère la présence de ces grandes puissances coloniales aux portes même du Maroc? L'Espagne va essayer de les racheter ou de les soudoyer aussi, mais ça ne marchera pas parce qu'il y a une instabilité politique phénoménale en Espagne. L'Allemagne, il peut pas faire grand-chose, donc c'est le gouvernement français qui s'en charge directement de Paris et qui fait un échange avec les Anglais et les Allemands en disant, je crois qu'on leur donne un petit bout du Cameroun et puis un bout de près du Malawi. Et les Anglais sont aussi, on parle pas des Anglais, mais les Anglais sont aussi malfaisants que oui, les Allemands à cet égard, tout à fait, à cette époque, bien sûr. Alors sur qui s'appuie-t-il réellement Lyautey dans sa politique marocaine? Sur quelle partie de la population? Sur quels sont ses leviers, si je puis dire? Il s'appuie sur les dirigeants de l'islam, c'est-à-dire ce qu'on appelle les oulémas, qui seraient une sorte de théologiens ou de cardinaux, si c'était en France, et puis sur la bourgeoisie de Fès, qui était en sommeil en raison de l'instabilité chronique du pays et qui va être ravie de voir qu'elle va pouvoir reprendre le business grâce à Lyautey. Vous appelez ça, vous, le système Lyautey. Il sait, écrivez-vous, qu'il peut compter sur des alliés locaux, c'est-à-dire une grande partie des élites, la bourgeoisie commerçante, les caïds, les pachas et les oulémas. Il a à sa disposition un système indigène de pouvoir, le sultan mis de côté et qu'il n'a plus qu'à réactiver quand c'est nécessaire. C'est une politique qui ressemble beaucoup à ce que font les Anglais par ailleurs. Oui, sauf que les Anglais l'ont arrêté dans les années 1850. Donc en Inde, parce que Lyautey prétendait s'inspirer du modèle anglais, mais il oubliait que le modèle anglais était déjà fort clos depuis quelques décennies. Je crois que Lyautey était très pragmatique et puis c'était quelqu'un de très esthétique. Et il s'est rendu compte qu'un sultan à cheval, c'est beau, qu'un palais marocain, c'est beau, qu'une troupe marocaine, c'est magnifique. On l'a vu en 99 quand ils ont descendu les Champs-Élysées au 14 juillet. Et cet aspect esthétique, plus cet aspect... spirituel, sachant que le sultan est aussi le pape, enfin si vous me permettez cette mauvaise formule, mais le chef spirituel de l'islam au Maroc. Donc tout ça a fait une conjonction de choses qui ont plu à Lyautey et il l'a fait par passion. Oui, vous nous dites qu'il était esthétique, vous avez dit tout à l'heure qu'il était humain. On commence à voir se dessiner le caractère de Lyautey. On va y venir dans un instant à ce caractère, bien entendu. Je voudrais qu'on développe cet aspect-là qui me paraît même le plus intéressant. Un mot peut-être encore sur le Maroc. C'est l'aboutissement pour Lyautey de toute une école coloniale, si je puis dire. Nous avons vu qu'il a été affecté successivement en Algérie, en Indochine, à Madagascar. Il avait une très grande expérience de la colonisation à l'époque. Oui, c'est-à-dire qu'il est au départ, rappelons-nous qu'il est officier d'état-major. Donc c'est un fonctionnaire de bureau dans l'armée, c'est pas quelqu'un qui combat. Et quand il part aux colonies, notamment en Indochine, il se rend compte qu'être militaire et de combattre ou de diriger, d'administrer, c'est fun, pour employer le langage de mes enfants. Et il n'aura de cesse que de rester dans cette optique. Alors, c'est intéressant parce que pendant que nous faisons cette émission, les messages n'arrêtent pas d'affluer. Je vois que la personnalité de Lyautey est encore très présente aujourd'hui. C'est intéressant. Alors justement, cette personnalité, je vous propose de la décrypter, d'essayer de la comprendre un peu mieux. On a l'image du membre de l'Académie française, du maréchal de France, de ce monsieur royaliste, conservateur, très droit, si je puis dire. On va se rendre compte qu'en fait, cette personnalité-là a bien du mal à tenir dans le carcan et dans le corset. 500 sur Europe 1, un court extrait de Samson et Dalila. Nous sommes au cœur de l'histoire du maréchal Lyautey, Franck Ferrand. Et oui, et dans cette atmosphère orientale, et je vais en profiter pour attaquer tout de suite la question de la religion. C'est fondamental cette affaire, et on a dit que le maréchal Lyautey s'était peut-être converti à l'islam. Que faut-il penser de cela, Guillaume Jobin? Non, je pense que ça n'est qu'une rumeur marocaine, mais une rumeur très répandue là-bas, hein, quand même, faut dire. C'est plus qu'une rumeur, ils en sont tous quasiment convaincus. Voilà, mais les Marocains ou les musulmans en général, d'ailleurs, se disent que quelqu'un qui les aime ne peut être que musulman. Oui, c'est ça, voilà. Et donc fait partie de la famille. Et puis en plus, le Maroc a une longue histoire d'intégration des étrangers depuis le 18e siècle, donc à la condition de la conversion. Ce qui est vrai, c'est qu'il avait une très grande connaissance de l'islam et un grand respect des musulmans. Hein. Un grand respect des musulmans, et quand il était en Algérie, pas son premier séjour de tourisme, mais son premier séjour militaire, il passait des heures à la mosquée d'Alger avec les fiquis, c'est-à-dire les religieux musulmans, pour essayer de comprendre quelle était la démarche de l'islam. Ce qui correspondait aussi avec une période de doute existentielle liée à sa structure personnelle par rapport à sa sexualité, disons-le. Sa sexualité, hein, par rapport au catholicisme, où il voyait pas comment il pouvait être et homosexuel et catholique à la fois. Alors, moi j'ai toujours entendu depuis mon enfance de la part de personnes qui l'avaient bien connu dire qu'il était homosexuel justement, mais ça fait partie des choses qu'on gomme généralement de sa biographie. Bah, même aujourd'hui, j'ai eu quand même reçu des lettres, des messages d'insultes en me disant « Comment osez-vous dire que le maréchal Lyautey est homosexuel? Ça n'est pas convenable. » Je dis « Moi, c'est de l'histoire. On va pas nier quelque chose qui est réel. » Et en plus, ça a été sans doute assez structurant dans sa vie, en fait. Ça explique bien une grande partie de ses prises de position, de cette espèce de constant recul qu'il prend par rapport aux événements et de distance qu'il veut mettre avec Paris quand même. Quand il était jeune, ça a été déstructurant, c'est-à-dire que ça l'a écarté et de la religion et d'un conformisme social, puisqu'il devenait marginal par essence même, et puis il était obligé de composer et de pratiquer en douce, en cachette. Et après, effectivement, ça a été structurant, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'étant marginal, il serait toujours du côté des marginaux, donc des aristocrates, des juifs, de toutes les victimes, et il s'en rend compte au moment de l'affaire Dreyfus. Et après, il est surpris par la tolérance de la société marocaine. Paradoxalement, la société musulmane qu'on a aujourd'hui à tort, on décrit comme intolérante, et au 19e siècle, au début du 20e, est beaucoup plus tolérante que la petite France sclérosée de la Troisième République. Oui, sans doute. Alors cette petite France sclérosée, néanmoins, il l'a dans ses gènes, si je puis dire. Il y a d'emblée, dès son adolescence, on a vu tout à l'heure cette prise de position incroyable à l'âge de 12 ans, il y a cette volonté d'appartenance à une aristocratie qui, chez lui, n'est qu'en ligne maternelle. C'est embêtant, ça, d'être de père bourgeois et de mère aristocrate. Je pinaillerais en disant, certes, il n'est pas noble, mais il est aristocrate au sens grec du terme, c'est-à-dire le gouvernement des meilleurs. Ah, ça, puis en plus, c'était vraiment ça, c'était sa philosophie. Ça, c'est sa philosophie, c'est ce qu'il entend. Mais aujourd'hui, peut-être que Lyautey, au lieu de faire Saint-Cyr, ferait l'ENA, enfin, ou je sais pas si ce serait d'ailleurs d'être le meilleur, mais il ferait peut-être HEC, en fait, et quelque chose d'intelligent. Après, il serait probablement président d'Air France ou de quelque chose de grand comme ça. Il y avait, mais on va y venir tout à l'heure, il y avait cette incroyable faculté de gérer les problèmes, de les prendre à bras-le-corps. C'est un homme d'action quand même, malgré ce côté un peu poète qu'il peut avoir aussi. C'est un excité surtout. C'est un homme d'action, mais il n'avait aucun plan stratégique, aucune. Là où il aurait un problème dans une entreprise, c'est qu'il avait, il se disait pas, je vais faire ça en 19, puis ça en 20, puis ça en 21. C'était lundi, je suis à Casablanca, pardon. Mardi, je suis à Rabat, et mercredi, je vais aller fouetter les chantiers à Fès parce que ça avance pas assez vite. Alors cette aristocratie, ces questions généalogiques, le travail le passionne. Il y a c'est une façon pour lui de réinvestir l'histoire maternelle aussi, qui est très important, je pense, dans sa psychologie, dans son équilibre. Est-ce que c'est ce qui l'amène au royalisme? Il était monarchiste, ça, incontestablement. Il était monarchiste étant jeune, mais De Gaulle l'était aussi. Un très grand nombre de François Mitterrand l'était aussi, et etc. Et j'en passe. Mais les idées politiques qu'on a à 14, 12, 14, 16 ans ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on peut avoir à 40, 50, 60. Lyoté, comme De Gaulle, c'est un amour, il a un amour pour une certaine idée de la France. Donc lui, il voit la France comme un grand pays, il n'a pas tout à fait tort. J'espère bien, oui. Et donc, quand il arrive au Maroc, il se rend compte qu'il y a la royauté qui n'est pas forcément, qu'il ne veut pas de la royauté en France. J'ai pas trouvé une seule trace. Il avait quand même le portrait du comte de Chambord sur son bureau. Il le dit lui-même. C'est ce qu'il dit, mais il dit ça quand il a 70 ans, qu'il commence à être un peu gâteux. Et il n'y a rien qui prouve que, en tout cas, dans sa période marocaine, donc de 1912, à 1925, qu'il y ait une quelconque trace d'opposition à la République. Il n'y a pas un mot contre la République. Il est parfaitement légaliste. Il peut être... Alors, moi, je traduis ça en disant... Cela dit, vous savez, dans l'administration de la Belle Époque, il y avait énormément de monarchistes qui obéissaient impeccablement à la République. Il n'a pas inventé la mode, même de ce point de vue. Comme toujours aux affaires étrangères. Oui, d'ailleurs. De gens actuellement encore, mais oui, bien sûr. Oui. Non, moi, je dis que Lyoté était monarchiste aux heures de bureau. Donc, c'est une plaisanterie pour dire que... Enfin, une boutade pour dire que... Pour lui, son travail, c'était essentiel que la monarchie soit non seulement maintenue, mais redorée et regonflée au Maroc. Alors, il y avait ce rapport particulier à l'islam, cette vie sexuelle complexe pour lui, et qu'il a, vous nous avez dit déstructurée puis structurée. Il y a évidemment cette dimension politique monarchiste, mais tout ça a l'air d'être transcendé par trois choses. Vous nous avez dit l'esthétique, l'humanisme et l'action, quand même, finalement, s'il fallait résumer le personnage. Oui, je les mettrais sur un même pied d'égalité. Il n'y en a pas une qui l'emporte, enfin, un des traits qui l'emporte sur l'autre. Oui. L'action, peut-être le principal, parce que l'esthétique et l'humain sans action ne serviraient pas à grand-chose. Je suis admiratif, mais en tout cas, une fois que j'ai fini mon bouquin, de ce qui a été réalisé en si peu de temps. Oui, c'est ça, ça a été une œuvre considérable. Une de nos auditrices, c'est Sophie, nous dit je suis né, j'ai vécu à Casablanca, j'ai fait mes études au lycée Lyotet, et j'ai toujours été fasciné par la statue de ce grand monsieur sur son cheval, statue aujourd'hui installée dans les jardins du consulat de France à Casablanca. Je peux vous dire que les Marocains vénèrent presque le maréchal Lyotet, il est très aimé en tout cas, mystère pour moi, dit Sophie. On comprend mieux maintenant quand même, il y a cette... Finalement, il s'est coulé dans une certaine tradition marocaine. Il s'est coulé tout à fait dans une tradition marocaine et sans utiliser la tradition des anciens sultans, évidemment, d'une certaine cruauté. Lyotet n'a jamais fait ni condamner, ni exécuter qui que ce soit. Voilà, ça c'est quand même très important. Il avait d'ailleurs interdit la descente de la police française dans les familles marocaines pour préserver leur intimité. C'est du jamais vu dans l'histoire et d'ailleurs ça ne sera jamais revu après, ni au Maroc, ni ailleurs. Il était quand même singulièrement, différent quand même. Hein. On ne peut pas dire que ses positions, que sa politique, que ses actions soient conformes à ce qu'on voyait généralement en son temps. C'est un mélange entre Jacques Chirac et Ardon Bondebourg et le tout dans une société qui est très traditionnelle. Donc il serait fascinant. S'il était aujourd'hui, je pense qu'il serait aussi fascinant que ce qu'il a fait à l'époque. Il manquerait l'expérience marocaine. Alors, il y a deux moments dans sa vie où il bloque, si je puis dire. D'abord, il quitte le gouvernement en mars 1917 en pleine Première Guerre mondiale, après une séance pour le moins houleuse à la Chambre des députés. Il montre son caractère, pour le coup. C'est-à-dire que la fonction de ministre de la guerre pendant la guerre n'a aucune importance. Par définition, oui. C'est le chef d'état-major qui dirige, et le ministre de la guerre, il est chargé de fournir les munitions. Le président du conseil qui gère, en fait, avec l'état-major. C'est oui. Clémenceau qui va pas tarder à arriver. Six mois plus tard. Et, lui travaille avec Briand, en fait. Hein. Ah, il travaille contre Briand. Enfin, mais... Oui, c'est ça d'ailleurs. Malgré Briand. Oui. Et je pense que s'il avait été Clémenceau, il serait resté plus longtemps. Mais et puis en plus, Lyotet, il est parfaitement au courant de la guerre coloniale. Ce serait quelqu'un qui aujourd'hui serait excellent en Afghanistan dans la contre-insurrection. Mais la guerre de masse européenne, pour lui, c'est trop. Il y a trop de massacres, il n'y a pas d'objet de personnalisation. Il était venu par devoir, parce que comme Gallieni avait été à ce ministère-là quelques mois avant et qu'il était mort, il est venu en se disant « faut que je remplisse, on me demande, je vais venir, etc. » Mais fondamentalement, quand il est au ministère, il s'occupe de gérer le Maroc à distance. Alors justement, le Maroc continue de l'obséder littéralement, et après la Première Guerre mondiale, il devient d'ailleurs maréchal de France, il fait partie de la fameuse Fournée, hein, en 1921, il est de retour au Maroc, mais là ce n'est plus la même politique car il n'a plus les mêmes moyens, tout simplement. Les priorités de la France ont changé en 1918, les moyens dont elle dispose ne sont d'ailleurs plus les mêmes non plus, et il va falloir qu'il essaie de mener sa politique avec beaucoup moins d'argent, pour parler clairement. Oui, non. Le problème, c'est que les Français n'ont rien investi au Maroc. Tout ce qui a été fait au Maroc l'a été fait avec l'argent du gouvernement marocain. Alors, à la décharge de Lyoté, c'est lui qui a créé l'argent du gouvernement marocain. Il a mis des impôts en place. Il a fait une économie qui s'est multipliée par 200 en quelques années. Donc aujourd'hui, il y a eu très peu d'investissements français. Les investissements français sont surtout privés. C'est des investissements de Paribas, de la compagnie Massenet, etc. Mais Lyoté n'a pas coûté beaucoup d'argent aux contribuables français. Alors nous l'avons vu l'autre jour, après son retour en 1925, il va être chargé d'organiser la célèbre exposition coloniale de 1931, qui sera son legs en quelque sorte. J'ai été frappé en préparant cette émission sur l'expo coloniale de constater à quel point il ne faisait pas l'unanimité dans l'opinion française quand même. Il y avait des opposants à Lyoté, il ne faut pas l'oublier. En fait, les ennemis de Lyoté, ce n'étaient pas les Marocains, c'était ce que j'appelle les Français coloniaux, enfin le parti colonial comme on dit, qui est une agglomération de gens qui lui étaient opposés et qui ont tout fait pour le descendre et finalement qui arriveront à le faire virer du Maroc avec l'aide de Pétain. Alors ce qu'il faut dire, c'est très important, c'est que votre ouvrage, j'en ai lu quelques petits extraits, mais on adorerait lire davantage dans ces circonstances-là, mais votre ouvrage n'est ni dans la lignée de toutes ces hagiographies du maréchal Lyoté, et Dieu sait qu'il y en a eu et qu'il y en a encore, la bibliographie est considérable sur le personnage. C'est absolument... au moins 300 livres. Oui, c'est incroyable. Sur le sujet. Et vous n'êtes pas non plus dans l'opposition systématique, dans l'anticolonialisme primaire, si je puis dire, etc., qui a fleuri dans les années, on va dire, 70, même 80. Même bon. Des années 50. Ouais. Même déjà dans les années 50. Bon. Vous avez essayé d'aborder le personnage, si je puis dire, directement. C'est l'impression qu'on a, en fait. J'ai essayé de faire ce que j'enseigne, ce que je fais enseigner à mes élèves de l'école supérieure de journalisme, c'est-à-dire de dire, restez, vous n'êtes qu'un intermédiaire entre les faits, l'information et le lecteur. Donc, j'écris comme un journaliste et je n'ai pas matière à être pour ou anti-Lyoté. J'ai quand même beaucoup d'affection pour le personnage, mais... Oui, ça se sent, évidemment. Roger nous dit sur le site internet d'Europe 1 qu'une partie des archives familiales de Lyoté se trouve au château de Montrambet chez le comte Ducel dans le Jura. Je ne sais pas si vous avez eu accès à ces fonds-là. Non. Ben voilà, il y a une partie des archives de Lyoté, notamment peut-être ses mémoires potentielles, ont été brûlées par la dernière personne qui était proche de lui, l'abbé Etzik, et son neveu Pierre Lyoté. Donc on ne sait pas ce que Lyoté avait écrit, ce qui est parti en fumée au moment de sa mort pour éviter de salir son image. Oui, c'est ça. On a toujours voulu protéger sa réputation, notamment à cause de cette histoire d'homosexualité, en fait. Hein, c'est ça. Oui, et puis peut-être parce que le contexte colonial en 34 avait changé, est agité, devenu très politique. Et puis moi, mon grand regret, c'est que Lyoté n'ait pas écrit ses mémoires. C'est que De Gaulle l'a fait. Et c'est un monument d'histoire. Il en aurait eu le temps, et le moins qu'on puisse dire est qu'il en avait le talent, car j'ai pu lire un certain nombre d'extraits de sa correspondance, de ses textes. On se rend compte qu'il avait une plume. C'était un communicant avant l'heure, c'était quelqu'un qui écrivait très bien. Vous nous avez dit, tout pour l'esthétique, il y avait cette dimension-là chez le personnage. Ouais, ça faisait partie de ces gens qui étaient polyvalents, qui savaient dessiner, ils savaient peindre, ils savaient écrire, ils savaient monter à cheval, ils savaient faire de l'escrime, enfin ils savaient tout faire. Mais... Plutôt doué le monsieur, je pense qu'il devait être supérieurement intelligent. Oui, voilà, et c'est d'ailleurs ce qui transparaît. Et ce que, lorsqu'on regarde tout simplement une photo du maréchal Lyoté, ce qui saute aux yeux, j'ai envie de dire, hein, c'est une espèce de regard très, très perçant comme ça et qui a l'air de tout comprendre d'un éclair. C'était un cabot aussi, ou un cabotin, comme on dit. Bon acteur qui savait poser pour les photographies. Ah oui, ça. Les photos qui sont prises à son insu, il est beaucoup moins percutant. Enfin, ceux qui l'ont rencontré quand même disent qu'il était percutant. Il faut leur faire un peu confiance. Espérons-le. Lyoté, le résident, le Maroc n'est qu'une province de mon rêve. C'est édité chez Magellan et compagnie. Ce livre de Guillaume Jobin. Nous avons essayé d'approcher aujourd'hui ce personnage assez difficile à cerner finalement, ce maréchal Hubert Lyoté. Sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Mathieu sur l'origine de la tradition des dragées au baptême ou encore au mariage. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Mathieu. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait connaître l'origine de la tradition qui veut qu'on en offre des dragées au baptême ou encore au mariage. Alors, d'où viennent-elles ces dragées? Il y a une origine très ancienne et puis il y en a une autre plus récente et sur laquelle je vais m'attarder si vous le voulez bien un peu. L'origine ancienne, elle est totalement antique, au moins romaine, mais probablement plus ancienne que ça. On dit d'ailleurs que c'est un petit peu comme pour l'histoire de la tarte tatin. Vous savez, tout traînait au départ d'une étourderie culinaire, un confiseur. chasseur aurait laissé tomber une amande dans une jarre de miel et le miel se serait solidifié, il se serait rendu compte qu'en fait c'était absolument délicieux, ce serait l'origine de la dragée. Alors d'où vient le nom dragée? Soit de tragemata, qui veut dire friandise en latin, soit de celui justement qui aurait inventé cette fameuse confiserie, c'était Julius Dragatus. Vous avouerez que ça fait envie, cette étymologie-là, ça paraît déjà plus probable, me semble-t-il. Alors, déjà dans la Rome antique, on distribue des dragées lors des grandes cérémonies, lors des triomphes militaires, etc. Donc ça fait déjà partie des habitudes. Mais évidemment, j'entends gronder les Verdunois qui nous écoutent, parce que les dragées sont sans doute la spécialité la plus célèbre de la ville de Verdun. C'est donc la seconde piste, celle que je voudrais aborder maintenant. Les apothicaires, pendant longtemps, étaient les seuls habilités à vendre du sucre de canne. D'ailleurs, on lui attribue toutes sortes de qualités nutritives et même thérapeutiques. C'est donc un apothicaire lorrain qui, au XIIIe siècle, aurait décidé d'enrober les amandes et les graines d'anis pour en améliorer la conservation. Il avait créé donc une sorte de praline, si vous voulez. Et très vite, on a accordé des propriétés bienfaisantes à cette préparation. Elle a été préconisée pour les problèmes de digestion, de mauvaise haleine, ça paraît évident, mais aussi de stérilité. Et petit à petit, on a recommandé ces dragées pour toutes sortes de problèmes, notamment pour les femmes qui venaient d'accoucher. Et donc, ce serait l'origine moderne de la dragée qu'on offre dans les fêtes et notamment au baptême. Vous comprenez, tout ça viendrait de Verdun et tout ça serait beaucoup plus proche qu'on ne le pense.